la tombola. La tombola. Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est le retour de la tombola, tombola deuxième édition de la soirée, évidemment. Et écoutez, le public est en folie. Et vous les attendez, il y a des lots super. Vous avez déjà pu avoir un petit aperçu tout à l'heure. On s'est pas foutu de votre gueule ce soir, je vous le dis, je vous le dis pas. Évidemment, regardez, Théo est vraiment très content avec son kit Covid que Laura a gagné. Pourquoi est-ce que c'est Théo qui l'a du coup ? Dans cette magnifique pochette Thierry Mugler. Eh bien, c'est parti pour la nouvelle tombola. Vous l'attendez tous, elle est là. J'espère que vous avez pris vos tickets, car maintenant, c'est trop tard. La billetterie est fermée. C'est la dernière tombola de la soirée. Je suis désolée de vous l'annoncer. Je suis toujours en compagnie d'Ophélie qui fête son anniversaire ce soir. Regardez ce magnifique pantalon. Ophélie, s'il vous plaît, montrez-nous tout ce bien. Regardez, c'est vraiment une vieille canaille. C'est magnifique. Ophélie, où est-ce que vous avez trouvé ce magnifique pantalon ? Alors, je l'ai trouvé sur le vide-grenier de Nérac. Combien l'avez-vous payé ? Faites-nous rêver. 2 euros, ouais, 2 euros. 2 euros, je l'ai payé. C'est magnifique, vous êtes magnifique. Alors, c'est sûr, c'est peut-être à Michel Polnareff, car je me le rappelle, pour ceux qui ne savaient pas déjà, que Michel Polnareff est né à Nérac, dans le Lot-et-Garonne 47. Eh bien, c'est parti, Ophélie, pour le premier lot de la soirée, pour le premier lot de la deuxième tombola, c'est parti. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui ? Nous avons un kit vraiment super, puisqu'il va vous faire retourner en enfance. Et oui, bien sûr, un super jeu de pêche à la ligne, Bob l'éponge. Alors, je suis désolée, il est déjà ouvert, puisque je l'ai eu à mon anniversaire pour mes 18 ans, et c'était déjà très longtemps, et donc voilà, il est complet, je l'ai juste ouvert, et après j'ai essayé de le faire marcher, je me suis vite rendu compte que ce n'était pas très intéressant, et puisque j'avais 18 ans déjà à l'époque, j'avais envie d'être dans la vie d'adulte, vous savez bien comment c'est, on est tous comme ça, bref, c'est un magnifique lot qui vous fera retourner en enfance. Et nous avons un super truc qui, voilà, regardez, c'est magnifique, ça fait du vent, c'est beau, ça respire la bonne ambiance. Vous pouvez jouer à ça pendant des heures, vraiment, c'est super, vraiment, c'est super. Oh, voilà, c'est magnifique, regarde, c'est magnifique. Vous pourrez y jouer pendant des heures sans vous lasser, je vous le garantis. Ensuite, qu'est-ce que nous avons fait dans les kits ? Nous avons une tirelire de nos amis les Anglais que nous saluons. Hello, good morning, how are you ? I am fine, and you ? Are you good ? I am very good, thank you. Écoutez, LV1 anglais et une année à l'étranger en Angleterre, chez nos pays, les Anglo-Saxons. Et vous voyez, l'anglais est toujours bien présent. Je vous l'ai dit, c'est pas foutu de votre gueule. Et enfin, pour finir, il y a encore 3 choses. Et bien, nous avons des petits jouets magnifiques, des figurines de Astérix et Obélix. Nous avons donc Obélix. Nous avons également une dame, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui est rousse et qui sert un plateau de bière. Bonne mine, merci, c'est la femme du chef, voilà. Et nous avons également un espèce de forgeron, je crois, je sais plus. C'est le poissonnier, bon bref. Et voilà. Oh, l'informatique, merci, je vois qu'il y a des connaisseurs. Peut-être Léo Boiteau, vous êtes très impatient de gagner solo, j'ai l'impression. Et il y a évidemment Astérix, évidemment, il n'est pas tout seul. Astérix. Donc nous avons 4 figurines de Astérix, évidemment, c'est super, ça vous fera tomber en enfance tout de suite. Et ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons une cassette, car retourner en enfance, je suis désolée, ça veut dire écouter des cassettes, regarder des VHS. Elle est vierge, vous pourrez enregistrer tout ce que vous voulez dessus, c'est super. Vous pourrez interviewer vos amis, par exemple, c'est super, c'est magnifique. C'est une cassette rien que pour vous. Il y a 2 faces, évidemment, face A et face B, c'est super, vous pouvez enregistrer des 2 côtés, c'est magnifique. Alors, ce magnifique kit enfantin n'est pas terminé, évidemment. Écoutez, nous, on commence très fort, on est comme ça, on commence fort. Ophélie, pouvez-vous nous montrer le dernier élément ? C'est un élément qui c'est mon préféré, c'est super, peut-être je peux me cacher un petit peu. C'est un poster. Voilà, c'est magnifique. Écoutez, je vous lis pour ceux qui sont loin. Nous ne t'oublierons jamais, Grégory, notre petit ange. Voilà. Et attention, derrière. Voilà. Je sais que celui-là, vous avez envie de l'avoir, c'est sûr. Même moi, j'ai failli pas le donner parce que vraiment, j'avais envie de le garder, de le mettre chez moi. Je ne sais pas. C'est magnifique. Il est vraiment tout neuf. Il n'a jamais été accroché. C'est vintage. Donc, ce kit est retour en enfance, il est vraiment super. D'ailleurs, je vous rappelle, pour ceux qui n'étaient pas au courant, que Grégory Le Marchal, évidemment, il est né le 13 mai, voilà, je le dis, c'est comme ça, c'est un fun fact sur Grégory Le Marchal. 13 mai, comme Robert Pattinson, comme Christine Bravo, comme Stevie Wonder, et comme François Bourret et moi-même. Voilà, évidemment. Si vous voulez. Et moi-même. Alors. Est-ce qu'il y a possibilité d'essayer d'échanger pour ce prix ? Eh bien non. Je le rappelle pour les nouveaux qui n'étaient pas là tout à l'heure, nous avons innové cette année, évidemment. Nous avons innové puisque nous sommes comme ça. Nous innovons tout le temps grâce à nos partenaires, notamment Léo Boiteau, qui nous a eu la bonne idée de mettre un petit rideau sur le côté. Des fois, vous pourrez échanger vos lots. Si ce lot ne vous plaît pas, eh bien, vous pouvez tenter votre chance avec le rideau mystère. Mais attention, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Peut-être c'est vraiment super, ou peut-être c'est vraiment de la merde. Je rappelle tout à l'heure que Léo Boiteau a gagné une orange, voilà. Mais qu'à contrario, qui a gagné quoi avec le rideau ? Ah oui, Tifo a gagné une bouteille de rancier avec le rideau mystère, et ça, franchement, c'est un super cadeau. Alors, qui va gagner ce super kit ? Retour en enfance, Ophélie, ma innocente. Et le gagnant est... Tata Lolo ! C'est incroyable! Félicitations, Tata Lolo. Un commentaire? Lolo! Tata! Et qu'est-ce qu'elle mange? Les quoi, les croûtes de quoi ? Yeah ! Alors, vous êtes contente, Tata Lolo ? Ouais ! Et écoutez, bravo. Bravo, Tata Lolo, vous faites des jaloux. Oui, vous êtes jaloux, hein ? Merci, Tata Lolo, c'est super. Allez, filez, mauvaise graine. Écoutez, c'est embêtant puisque j'avais une bière tout à l'heure qui était posée ici et elle est partie. Qui m'a piqué ma bière ? C'est pas ma bière. Mais non, mais la mienne est pleine. Ah bah vas-y, ça. Le lot suivant est particulièrement... vous allez voir. Je laisse Chloé parler, c'est son travail. Hein. Écoutez. On passe au deuxième lot de la soirée. Le deuxième lot est-il échangeable, Ophélie ? Oui, je crois qu'il est échangeable, le deuxième lot. Oui, le deuxième lot est échangeable, c'est super. Eh bien, nous passons à un nouveau kit. Quand on est comme ça, nous, on aime bien faire des petits kits. Alors, déjà, c'est une magnifique trousse de toilette, super, d'une très belle qualité. Elle s'ouvre avec une fermeture éclair. Il y a une belle boucle, c'est super. Vous pouvez l'emmener dans vos voyages, elle ne prend pas de place. Et pourtant, elle est très grande, elle peut contenir énormément de choses. Et il y en a des choses dans cette petite pochette. Alors, qui est nous avons, je vous l'annonce, je vous donne le thème du kit. Festival. Et oui, puisque dans cette pochette, vous trouverez tout le nécessaire pour un festival de qualité. Alors, tout d'abord, Ophélie, nous avons... Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, parce qu'évidemment, vous savez, on fait les festivals, par exemple, comme la Route du Rock ou d'autres choses comme ça qui sont très sympathiques. Et bon, on sent un peu mauvais, vous savez, quand on fait les festivals, parce qu'on n'a pas forcément de douche ou de choses comme ça. Mais pour respecter l'environnement de ses partenaires de festival, eh bien, nous avons une magnifique truc de douchette. Voilà, vous pouvez bien vous savonner, vous... Prenez bien soin de votre corps, il faut frotter pour enlever toute la terre, ouais. Après vous couchez, vous êtes mieux. Voilà, on n'oublie pas le sif. Ensuite, nous avons... Écoutez, c'est peut-être mon téléphone, je le pose ici. Et alors, écoutez, nous avons ensuite, évidemment, Peut-être qu'il y a beaucoup d'entre vous, vous êtes beaucoup de... Qu'est-ce que c'est encore? Ouvrez les choses. Oui, évidemment, alors si vous êtes adepte du make-up, comme on dit, eh bien nous avons une petite, un petit nécessaire à maquillage avec des petits pinceaux, un petit miroir pour vous refaire une beauté. Je vous conseille évidemment de mettre des paillettes, hein, on parle d'un festival, c'est un festival, il faut mettre des paillettes sur votre visage. Par exemple, si vous voulez aller au carnaval de Dunkerque, on pourrait un peu l'assimiler à un festival, eh bien vous pouvez vous remettre des petites paillettes avec ce super kit et regarder dans le petit miroir si vous êtes tout en beauté. C'est magnifique. Eh bien, on continue. Nous avons également des super choses, puisque qui dit festival dit souvent soleil. Et alors, le soleil, il faut en faire attention. Il faut y faire attention. Attention aux insolations. Pensez à vous hydrater, c'est important. Il ne faut pas boire que de la bière. Mais il y a aussi le soleil. Il faut cacher votre petit yeux fatigué. Alors, vous avez des super lunettes de soleil. Ophélie nous fait la démonstration. C'est magnifique. C'est magnifique. Regardez-moi ça, elle est super. Ophélie, est-ce que vous pouvez voir quand même des choses? Je vois très bien, merci. C'est super, vous voyez, c'est parfait. Alors, des lunettes de soleil, c'est super pour vous protéger. Ensuite, nous avons, pour arriver avec le style, évidemment, dans un festival, il ne faut pas y aller comme ça, hein, il faut un peu s'apprêter, vous savez. Eh bien, nous avons des super petits badges, par exemple, un badge qui est des vieilles charrues, évidemment, pour faire style. Vous êtes allé dans d'autres festivals, vous connaissez un peu les festivals, vous aimez bien les festivals, quoi. Et nous avons également un super badge fan de Bretagne pour que tout le monde se souvienne d'où vous venez, évidemment, et que vous représentiez fermement la Bretagne et le 44. Sans oublier le 47, évidemment. Et ensuite, si vous êtes fumeur, attention à vos poumons, évidemment, nous avons des petits cendriers de poche, un que vous pouvez accrocher autour de votre cou, ne jamais le perdre et ainsi ne pas polluer la planète car nous n'en avons qu'une et donc il faut la préserver. Et donc voilà, vous pouvez mettre vos mégots et ensuite vous les jetez, c'est super, voilà. Donc on en a deux, un que vous pouvez mettre autour du cou et un que vous pouvez mettre dans votre poche. Celui que vous pouvez mettre dans votre poche, il y a écrit dessus, il y a écrit quoi? Il y a écrit Rock en scène, et oui, parce que nous avons des partenariats avec de nombreux festivals. Voilà, c'est super, c'est magnifique. Et pour finir, nous avons une petite boîte. Ophélie va nous l'ouvrir. Parce que là, vous dites, c'est une petite boîte, c'est comme ça, c'est... Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est encore un cendrier de poche? Eh bien non, figurez-vous, car... Et donc, regardez bien la démonstration, vous allez être bluffé. C'est un verre. C'est un verre. Eh oui, c'est un verre. C'est un verre. Et voilà, ça s'ouvre, ça s'arrange, et voilà, paf, vous avez toujours un petit godet avec vous, évidemment, il est réutilisable. Pensez à la planète encore une fois. Et donc, ce kit festival, il est vraiment super. Mais alors, ce kit festival, si vous le gagnez, attention les amis, si vous le gagnez, vous pouvez le remettre en jeu. Et oui, vous pourrez demander le rideau, c'est à personne qui gagne. Alors attention, le grand gagnant de ce super petit sac kit de festival... Se mettre d'accord, peut-être Tata Lolo, vous arrêtez de gagner des choses. Anita Cocktail right now. Oh yeah! Oh, grand gagnant! Thank you so much. Je vais clairement pas remettre le rideau parce que je veux ce kit. Don't force me, bitches! Me! Non. Moi, si je prends le rideau, je veux le rideau. Alors, vous voulez échanger ce lot contre un lot mystère ou est-ce que vous gardez ce lot? Non, je veux pas une orange. Alors, très bien, eh bien, bravo! Bravo, il garde le kit au festival. Ne vous inquiétez pas, il est toujours là. On le garde précieusement, bien au chaud. Pour le prochain lot, ça va aller un peu plus vite, puisqu'il est un peu plus petit, mais de qualité quand même, évidemment, puisque nous savons ici... Oh, il est lourd, regardez Ophélie, elle a du mal à le porter, c'est très très lourd. C'est un petit kit do it yourself, comme disent, vous savez, outre-Atlantique. DIY, merci. C'était homemade, comme on dit. Alors, nous avons en premier lot une confiture super, une confiture de quoi ? Une confiture de fraises 2020. Il y a l'étiquette dessus, comme ça, si vous les laissez dans un placard, eh ben, vous vous souviendrez de ce que c'est. Qui a été concoctée par José. Oui, bravo José. Avec des fraises de la région, évidemment, car nous, on est comme ça, on aime le local. Nous avons également une autre confiture, mais cette fois-ci, c'est une confiture de poire, et oui, de 2019, c'est super, et qui a également été concoctée par José. Vous l'avez peut-être compris, c'est un lot de confitures concoctées par José, mais nous en avons plusieurs, évidemment, puisque nous avons encore deux autres, une à l'abricot et une à la rhubarbe, et oui, c'est super. Franchement, moi, je vous le redis pas, elles sont super, elles sont excellentes. Et il y a également un autre petit cadeau qui est DIY, qui a été fait par notre chère directrice des programmes qui fête son anniversaire. C'est un petit repose-plat fait en tricot. Il est magnifique. Nous sommes donc, voilà, vous pourrez poser vos confitures, c'est super, c'est magnifique. Vous pouvez également mettre vos plats chauds dessus. Eh bien, le grand gagnant de ce kit, j'ai envie de dire homemade, gourmand et homemade, Ophélie de Noutou, qui est le gagnant ? Rafi ! Oh, bravo ! Alors, attention, Raphaël, calmez-vous. Raphaël, voulez-vous garder ce lot ou souhaitez-vous regarder ce qu'il y a derrière le rideau et perdre ce magnifique lot pour en gagner peut-être un autre qui serait mieux ou moins bien ? Oui, alors, il le garde. Et oui. Et il ne faut pas l'ouvrir, vous savez. C'est son choix d'abord. Et puis en plus, ça fait plaisir à sa tata Josée, moi je vous le dis. Eh bien, il y a toujours un mystérieux mystère autour de ce lot. Mais qu'est-ce que ça peut bien être ? Eh bien, maintenant, nous allons faire un petit arrêt sponsoring. Et oui, évidemment, puisque ce kit nous est fourni par nos sponsors. Évidemment, vous les connaissez. Vous les avez déjà eu la dernière fois au dessin de l'Odyssée des Soulards. Okay. Je ne sais pas. Et on cherche la banane en cuir d'Ophélie pour un petit ajout de dernière minute dans le lot. Eh bien, donc, c'est un lot qui appartient, qui est gracieusement donné par nos sponsors. Vous les connaissez peut-être déjà, puisqu'ils étaient déjà présents au dessin de l'Odyssée des Soulards. Et oui, bien évidemment, vous la reconnaissez, c'est notre sponsor Adéquation. Et oui, Adéquation, partenaire. Nous avons donc, évidemment, un super couteau suisse. Vous pouvez faire plein de choses avec. Il y a des couteaux. Il y a un petit tire-bouchon, c'est super, c'est pratique, ça rentre dans vos bananes, dans vos poches. Et hop, vous aurez une petite bouteille, c'est super, c'est magnifique. Ensuite, nous avons un petit thermos, une petite housse glaciaire pour garder vos bouteilles au frais, évidemment. Adéquation, évidemment, notre partenaire. C'est magnifique. Et à l'intérieur de ce sac, nous avons un super t-shirt. Un super t-shirt, évidemment, partenaire Adéquation. Il est super, il est peut-être un petit peu grand, mais il est magnifique. Voilà. Et il est magnifique ou il est pas magnifique ? Il est magnifique. Il est magnifique. C'est super, c'est magnifique. Ça peut être un pyjama, ça peut être pour porter style vestimentaire sympathique. Voilà, en tout cas, il est là, c'est super. C'est le lot Adéquation. Alors, ah oui, nous avons également un tapis de souris Adéquation. Vous pouvez mettre une photo dedans. Regardez, c'est magnifique. Ça peut être customisable. C'est super. C'est magnifique, vraiment. Je vous l'ai dit, on ne se fout pas de votre gueule. Bon, ça, ok, peut-être un petit peu pour celui-là. Alors, solo Adéquation de nos partenaires. Qui est-ce qui est le chanceux qui va pouvoir repartir avec ? Ouh, choisir le rideau. Eh oui ! Alors, la personne qui a gagné ce kit adéquation. Quentin Boiteau. Bravo Quentin. Quentin Boiteau, où est-il? Quentin, tu as gagné. Tu as gagné Quentin. Quentin n'a aucune idée de ce qu'il a gagné puisqu'il n'écoutait pas. Quentin, vous avez gagné le kit adéquation. Vous avez des super choses de dingue. Et ça a été très rapide. Il demande le rideau. Attention. Reculez-vous. Et oui, c'est technique. Est-ce que vous êtes prêts? Quentin Boiteau, vous avez gagné un cocktail. Il s'agit d'un Campari. Est-ce que vous êtes... C'est un cosmopolitain. Hein, c'est un cosmopolitain. Vous êtes content de votre cosmopolitain? Je suis comblé. Voilà, encore un joueur ravi. Merci Quentin. Profitez bien de votre cocktail. Eh bien, nous le remettons en jeu, évidemment, le lot adéquation, qui est le petit chanceux qui va gagner le lot. Attention, il n'y aura pas de rideau pour ce lot. Hein. Il repart avec quelqu'un, c'est obligé. On s'en débarrasse, c'est comme ça. Pascal! Bravo! C'est Pascal avec un E. C'est Pascal avec un E. C'est Maman Scal qui a gagné! Super lot adéquation. Bravo, félicitations. Vous êtes parfaite. Et un petit mot peut-être. C'est formidable. Elle est ravie. Vous voyez, elle est ravie. Nous, on est comme ça. On aime faire ça. Vous savez, on donne. On est comme ça. Et encore une fois, nous remercions nos partenaires en adéquation. Eh bien, pour le prochain lot, Félix, que nous aurons un rideau. Pour le prochain lot, nous aurons également un rideau. C'est magnifique. Il y aura un rideau. Et oui, eh bien écoutez, nous arrivons à la partie de la soirée où certains peut-être sont fatigués ou peut-être certains sont stressés. Vous ne m'écoutez pas du tout, vous ne voulez pas savoir quel est le prochain lot. Écoutez, il y a encore plein de lots. Il faut suivre un petit peu là, parce que là, on n'est pas rendu sinon. Eh bien, nous avons un nouveau lot. Ce nouveau lot est super, il est magnifique. Nous arrivons à cette partie de la soirée où peut-être certains d'entre vous sont fatigués. On a déjà fait la fête hier. Peut-être certains sont stressés par la rentrée, je ne sais pas. Oui, Léa, elle me confirme que oui. Eh bien, nous avons un petit kit pour vous aider à vous déstresser. Ce petit kit, il s'appelle le kit détente. Et alors, dans ce kit détente, vous avez tout d'abord un magnifique... des fois vous avez mal à la nuque, c'est douloureux. Et bien regardez, plus de problème avec ce magnifique boudin. C'est super. C'est super. Ophélie, est-ce que vous sentez détendue? C'est très agréable, je suis totalement détendue, je vais m'endormir. Voilà, c'est magnifique. Ensuite, dans ce kit détente, Ophélie, est-ce que vous pouvez nous montrer les prochains objets? Et oui, regardez, des super verres à shooter pour vous détendre. C'est pour vous détendre. On vous le dit, c'est comme ça, c'est cadeau, il faut vous détendre. Il y en a plein. Ophélie, il y en a combien? Il y en a huit. Il y a huit shooters, on n'entend pas. Il y a huit shooters. Il y a huit verres à shooter, dont un super qui est écrit 100% naturel. C'est un petit rasta, c'est peut-être un petit peu raciste, mais en tout cas, il est là. Il a le mérite d'exister. Et oh, et tu vas te calmer, toi. Et enfin, nous avons évidemment encore un outil super pour vous détendre. C'est un petit oreiller que vous pouvez gonfler. Et voilà, c'est magnifique. Il ne prend pas de place. Vous le gonflez et hop, là, vous êtes au top, vous êtes au maximum, vous pouvez vous détendre. Un petit shooter, bam, vous vous détendez. C'est super, vous gonflez et vous vous reposez. Et ensuite, évidemment, une fois que vous avez pris votre petit shooter, que vous êtes mis confortable, et écoutez, il faut vous détendre en lisant un bon livre. en me lisant un bon bouquin sympathique. Le premier livre, Ophélie, c'est Les Liaisons Dangereuses. C'est vraiment un super bouquin. Moi, je l'ai lu quand j'étais au lycée. C'est vraiment super. En plus, si vous voulez, après, vous pouvez regarder le film vraiment génial avec notamment John Malkovich. Mais je peux pas. Mais évidemment, Glenn Close. Il y a même Uma Thurman et puis Keanu Reeves aussi et Michel Feu. Il est super, vraiment je vous le conseille si vous ne l'avez pas déjà lu, il est super, c'est un roman épistolaire, vraiment c'est super. En plus je crois qu'à la fin il y a une analyse littéraire, c'est vraiment super, vous pouvez vous cultiver. Et ensuite nous avons également un autre super bouquin que vous pouvez lire, je sais que ça plaira à beaucoup de monde. Et c'est un super livre sur l'histoire de France, voilà, c'est le petit Larousse de l'histoire de France. Pour apprendre, voilà, pour apprendre tout en s'amusant, tout pour vous cultiver. Et voilà, c'est super. C'est super, il y a des images, il y a des choses à apprendre, c'est super, c'est magnifique. Oh, Ophélie, elle apprend des choses, eh oui. Il est peut-être un petit peu gros, mais il est. Il y a une surprise à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? Et c'est. C'est un papier avec écrit Rose, le prénom de notre cousine, je pense que c'était elle qui l'avait. Voilà, voilà, c'est super, c'est magnifique. Il y a le prix d'achat de... Je ne sais pas qui a acheté ce livre, mais il y a un prix d'achat à l'intérieur. 3 euros, on ne se fout pas de votre gueule, je vous l'ai dit. Eh bien, qui est l'heureux gagnant de ce qui te détente? Ophélie, il va falloir penser à rendre le boudin, parce que je sais que vous l'appréciez, mais... Elle était détendue, elle a oublié, c'est comme ça. Alors, Ophélie... Dites-nous tout, qui a gagné ce kit détente et qui pourra le remettre en jeu pour un lot derrière qui est peut-être c'est de la merde, peut-être c'est super, on ne sait pas. Ophélie, le grand gagnant est Colin Charrier. Bravo Colin, bravo, bravo. Alors Colin, attention Colin. Colin, est-ce que vous voulez le rideau? Non, apparemment il veut pas le rideau, il veut garder l'ego. Bravo, félicitations. C'est super, bravo. Alors, ensuite. Alors, le prochain jour est vraiment super. Vous l'avez peut-être déjà remarqué. Aujourd'hui, il fait pas très très chaud. Il fait un petit peu frisquet. Et donc, celui-là, il est vraiment dans le thème. Puisque c'est le kit hiver. Et oui, le kit hiver. Tout d'abord, évidemment, c'est l'hiver, il fait froid. Il faut vous couvrir. Évidemment, couvrez-vous, Ophélie. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique pour se couvrir, ça, pardi. Oh, regardez, c'est super. Oh, et tout de suite, il fait beaucoup plus chaud. C'est magnifique. Ensuite, c'est l'hiver. Alors, il vous fait vous mettre un petit peu dans l'ambiance, vous voyez. Il faut mettre des éléments de décoration pour vous mettre dans le thème. Et donc là, je vous propose quelque chose que j'ai ramené quand j'avais 10 ans de Villa de Lens. Et oui, c'est un vieux, vieux lot. C'est un super élément de décoration dans lequel vous pouvez mettre un crayon. Vous pouvez le mettre sur votre bureau, c'est magnifique. Ophélie, montrez-le-nous. C'est un chalet. Un chalet de Villa de Lens dans lequel vous pouvez mettre un petit crayon. Et oui, un seul crayon. Et oui, sur votre bureau, par exemple. C'est magnifique. C'est super. Ensuite, évidemment, c'est l'hiver. C'est l'hiver et il y a encore juste ça sur votre bureau, ça serait ridicule. Il faut rajouter un petit Père Noël. Regardez comme il est mignon, ce petit Père Noël. Il y a des touches de doré, c'est super. Il est mignon. C'est magnifique. Je vous le dis, moi, ces deux éléments sur votre bureau, ça va faire fureur. Ensuite, évidemment, il faut montrer à vos amis que vous êtes fan de Noël. Donc, nous vous proposons des petits badges magnifiques avec des éléments de Noël. Le premier, il est écrit « I love Christmas » et sur le deuxième, il est écrit « Slip de Noël ». C'est super. C'est magnifique. Tout à fait. Et enfin, évidemment, qui dit hiver dit repas chaud, repas qui tiennent au corps, évidemment. Je vous propose donc de mettre vos plus belles tartiflettes sur un superbe repose-plat. Voilà, un repose-plat fait par Ophélie, en tricot, c'est super. Vous posez votre petite tartiflette dessus et c'est magnifique, c'est parfait. Oh, regardez comme c'est bien. Oh, il y avait un petit trou, la coquine. Et oui, évidemment. Et donc, je dis tartiflette, mais évidemment que ça peut être d'autres plats d'hiver. Et par exemple, il y a quelque chose, moi, qui me fatigue dès que je fais une raclette. Ça me fatigue. Elles sont où, les raclettes? Les raclettes, elles sont là, les raclettes! Des raclettes! C'est magnifique! Des raclettes! Et enfin, pour finir, quoi de mieux? avec un bon plat de fromage que du vin. Je le rappelle, le roncier, ce petit vin de table qui n'est vraiment pas vraiment super ouf, mais qui n'est pas non plus dégueulasse, qui est finalement bien pour manger, boire à table comme ça pour un repas lambda, qui va très bien avec vos poissons et avec vos viandes. De toute façon, il va très bien avec tout, puisque c'est un vin qui est très basique. Et le grand gagnant de ce kit hivernal, qui peut le remettre en jeu pour le rideau? Attention, il y a un rideau. Ophélie, qui est le grand gagnant? Kenzob. Bravo, bravo Kenza. Kenza, est-ce que vous voulez le rideau ou est-ce que vous gardez votre lot? Elle a dit bah non, donc elle garde son lot kit hivernal, c'est super. Et oui, félicitations à la grande gagnante. Bon, écoutez, vous nous fatiguez à ne pas avoir le goût du risque, donc on va vous faire gagner le lot mystère. Et franchement, je vous le dis, il vaut le coup d'œil le lot mystère. Alors qui est le grand gagnant de ce super lot? Pascal. Pas Pascal, c'est toi. Y a pas de E, c'est toi. Et oui. Tout de suite, j'assume beaucoup moins. Et le rideau. Il s'agit d'une magnifique figurine de ballerine avec un cygne. Regardez, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Vous êtes content, Pascal? C'est un cygne. C'est super. C'est mignon tout plein, c'est vrai. Ça va être super joli chez vous, je vous le dis. C'est magnifique. Voilà, bravo, bravo. Franchement, c'est super. Et nous, on est comme ça. Je vous l'ai dit, on se fout pas de votre gueule. Le prochain lot est un lot unique, évidemment, puisque des fois on ne fait pas des gros lots comme ça, on ne fait pas tout le temps des kits. Cette fois-ci, il s'agit d'un super ensemble de livres de recettes de pâtisserie. Et oui, pour nous régaler petits et grands, c'est super. C'est un super livre. Plein de pâtisseries, rien que pour vous, je vous le dis. Il y en a qui vont nous faire des super pâtisseries, c'est magnifique. Regardez, il y a 9 petits livres, c'est magnifique. Et oui, regardez, c'est super, c'est magnifique. C'est tout simplement des livres à pâtisserie. Et il y en a 9, hein, on se fout pas de votre gueule. Alors, Ophélie, qui est le grand gagnant de ce lot à pâtisserie? Qui peut le remettre, évidemment, en jeu? Car, je vous rappelle, il y a le rideau. Et oui, alors, qui a gagné, Ophélie? Typhon. Oh, bravo. Typhon, oh, le rideau. Alors, Typhon, elle remet en jeu. Attention, je vous le dis, c'est le rideau, c'est magnifique. Que se cache-t-il derrière le rideau? C'est incroyable! C'est la 2e bouteille de roncier de la soirée gagnée! La 2e! Mais la 3e pour la famille Véron, c'est incroyable! C'est du jamais vu! Elle rafle tout, c'est magnifique. Typhon, un petit mot peut-être. Ouais, je suis très contente, je préfère le vin que les gâteaux. C'est magnifique. Alors évidemment, Ophélie, elle est bien sûr remise en... Évidemment, la pâtisserie est remise en jeu, hein, évidemment. Cette fois-ci, il n'y aura plus de rideau, je vous l'ai dit, c'était le dernier rideau. Et oui. Bah, il restera le rideau final, le final. Le mystère surprise à la fin, toute fin. Il sera caché. Mais en attendant, Ophélie, nous remettons en jeu la pâtisserie, évidemment. Puisqu'on ne va pas laisser ce cadeau sans propriétaire, ça serait vraiment pas sympa de notre part. Surtout qu'il y a 9 livres. 9. Je veux dire, vous vous rendez compte de toutes les recettes qu'il y a ? Il y a Madeleine et financier, la cupcakes et muffins, moelleux fondant, sablé et biscuits, macarons, cake, tarte, éclair et cookies et brownies. C'est super, c'est diversifié, c'est magnifique. Ophélie, s'il vous plaît, qui est le grand gagnant de ce lot à pâtisserie ? Julien veste cuir. Oh ouais, mais c'est Julien Mulvey. Oh Julien, c'est toi qui as gagné. Oui. Et vous avez gagné parce que vous êtes venu avec une veste en cuir. C'est le ticket gagnant. Y a pas de rigolo. Écoutez, vous avez une nouvelle cuisine, il va falloir nous faire des pâtisseries. C'est pour aller avec la nouvelle cuisine, on est comme ça, nous, c'est cadeau. Et oui. Eh bien, écoutez, nous arrivons pratiquement à la fin de cette tombola. Moi, je vous le dis, c'est bientôt la fin, bientôt. Et donc, nous avons un super lot, puisque vous savez, je l'apprends à personne, et c'est bientôt la rentrée des classes, et oui. Et donc, la rentrée des classes. Et moi, je vous le dis, il faut venir préparer. Vous ne pouvez pas venir pas préparer à votre rentrée, ce n'est pas possible. Il faut un minimum de préparation. Et nous, comme on est sympathiques, nous vous offrons ces magnifiques mallettes. Et oui, regardez comme elle est belle. Une belle sacoche. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Elle est toute en cuir, elle est magnifique. Et regardez comme elle est grosse, cette mallette. Elle est très grosse. Elle a une ouverture facile. Et dedans, il y a plein de choses dans cette grosse mallette. Ouh, quelle belle mallette. Alors, Ophélie, qu'est-ce qu'il y a dedans? Nous avons tout d'abord un assemblage de pochettes. Une pochette, évidemment, c'est magnifique. Une pochette avec des cactus. Pour être comme si vous étiez encore en vacances à l'intérieur. Et vous avez des feuilles, des super magnifiques feuilles de toutes les couleurs. Et oui, pour faire plein de choses sur des feuilles de plein de couleurs différentes, que sais-je. C'est magnifique, regardez, c'est super. Il y a plein de rangements, dis donc, dans cette pochette. Oh, mais mon Dieu, c'est un cahier avec rien du tout d'écrit dedans. Vous pouvez le remplir avec tout ce que vous voulez. Et oui, prenez des notes, inventez des romans, je ne sais pas, peut-être. Laissez libre cours à votre imagination. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Oh, nous avons des étiquettes. C'est super pratique, les étiquettes. Eh oui, vous pouvez écrire des choses dessus, les coller sur des cahiers. C'est magnifique. Tout comme ça, on saura bien que ce soit vos affaires. Ensuite, Ophélie, nous avons encore plein de choses. Oh, mais qu'y a-t-il dans cette petite boîte? Eh oui, elle a raison. Aurions à trouver. Ce sont des petits crayons de bois. Eh oui, regardez, ils sont tous bien taillés. Il y en a plusieurs. C'est magnifique. Vous pouvez faire des dessins, ensuite les tailler vous-même, c'est super, c'est magnifique. Ensuite, oh là là, vous allez chercher loin, qu'est-ce que c'est? Oh, nous avons une gomme, des crayons, une colle. C'est super, vous êtes vraiment parés pour la rentrée, mais ce n'est pas fini, oui, parce que nous, on ne se fout pas de votre gueule. Un super mug Mickey pour m'amener votre super café. Votre café, voilà, vous le remplissez, vous mettez votre café à l'intérieur, il va rester bien chaud et vous pouvez le boire. Votre café, votre thé, votre chocolat chaud, ce que vous voulez, vous deux boissons chaudes, c'est magnifique. Et c'est Mickey, et oui, évidemment, je l'avais trouvé à Disneyland de Paris pour la petite information. Ensuite, nous avons un super dictionnaire français-allemand pour, si jamais vous avez eu la bonne idée de faire LV3 allemand, et ben voilà. Alors par exemple, Ophélie, est-ce que vous pouvez nous lire un mot? Erfolgswang. Et qu'est-ce que ça veut dire? Obligation réussir. Être dans l'obligation de réussir. Et voilà, ça c'est parfait pour la rentrée des classes. Et oui, Entschuldigung, mais c'est comme ça. Ah, ensuite, nous avons des cahiers. Alors, nous avons d'abord un cahier qui est complètement vierge, comme le signe d'Ophélie Soulard. Et nous avons également un cahier qui, là, il y a des bêtises écrites dedans, évidemment, puisqu'Ophélie l'a utilisé un petit peu, mais pas en entier. Et donc vous retrouverez une partie de cours qu'elle a très peu suivie, évidemment, puisque vous pouvez voir qu'il y a de nombreux dessins à l'intérieur. Mais il y a que des entraînements de signatures, si vous voulez par exemple l'arnaquer ou vous faire comme ça. Et puis au bout d'un moment, il n'y a plus rien d'écrit parce que... Oui, relisez quand même, parce que peut-être vous avez écrit des bêtises. Elle dit que c'était intéressant qu'elle a dû suivre ce cours. Voilà, c'est un super cahier qui est déjà un petit peu utilisé. Vous pouvez arracher les pages et voilà. C'est magnifique, il y a plein de choses. C'est super pour la rentrée. Ophélie, dites-nous, qui a gagné ce magnifique kit de rentrée scolaire? Et oui, qui a gagné tous ces objets magnifiques? C'est moi-même. Non, j'ai mis un seul ticket. Je le remets en jeu parce que je suis honnête, que je veux pas récupérer ce cahier de merde. Et oui, elle le remet en jeu parce qu'elle est comme ça et voilà. Généreuse. Kenzob. Et oui, vous gagnez donc ce magnifique kit de rentrée scolaire. J'espère que bientôt vous serez bilingue en allemand. C'est super, c'est magnifique. Bravo, Kenza. Et attention, c'est maintenant, c'est fini. C'est le dernier. Eh oui. C'est le dernier lot, c'est un lot mystérieux, évidemment, puisque c'est un lot super, vraiment, c'est le meilleur lot. Si vous ne gagnez pas celui-là, franchement, moi, à votre place, j'aurais vraiment les boules. Vraiment, vraiment les boules. Il est super. C'est un lot qui est caché, évidemment. Enfin, moi, je vous dis ça, je vous dis qu'il est super. Ça se trouve, c'est de la merde. Depuis le début, je vous dis que des conneries. Alors, Ophélie, vous allez nous piocher le gagnant du dernier lot, le lot mystérieux. Et on découvrira tous ensemble ce que c'est. Et voilà, j'espère que vous serez contents. Ophélie, vous êtes prête? Je suis prête. Zordan? Zordan, c'est vous qui avez gagné. Vous avez gagné. Attention, attention, Jordan. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts sur le dernier lot de la soirée? Attention, attention. Vous êtes prêts? Jordan, vous êtes prêts? Jordan, vous avez gagné. Et oui, les amis, il n'y a non pas une, non pas deux, mais trois bouteilles. Jordan, laissez-moi vous expliquer ce que vous avez gagné. Tout d'abord, une bouteille de Roncier classique, le classico. La bouteille de Roncier rouge, évidemment. C'est unique, c'est une bouteille de Roncier rosée. Et évidemment, une bouteille d'absinthe faite par Papy Joseph. Et oui, vous êtes content? Ah, je suis très content, j'ai le cœur qui bat, j'ai l'impression d'avoir réussi ma vie. Mais vous avez réussi votre vie, petit coquinou, évidemment. Regardez, c'est magnifique. Je vous rappelle que cette super bouteille a été... Attention. Alors c'est magnifique, évidemment que Jordan, vous avez fait des jaloux ce soir puisque vous repartez avec une bouteille de Roncier rouge que tout le monde connaît, le classico, une bouteille de Roncier rosé qui est un peu plus étonnante, évidemment que vous êtes au moins à avoir déjà bu cette bouteille de Roncier, vous nous en direz des nouvelles, et vous avez également gagné une bouteille d'absinthe faite par Papy Joseph, je vous le rappelle, c'est local, c'est magnifique. Mais parce que les petits coquillous que vous aimez bien, on va faire gagner deux choses à des gens de l'eau de consolation, à deux personnes qui seront obligées d'être amies pendant toute leur vie. Je vous le dis puisqu'il s'agit de magnifiques bracelets cœur. Et oui, regardez, c'est magnifique. Comme ça, vous l'avez et vous êtes avec votre best friend forever. Et voilà, c'est super. Comme ça, dans la rue, vous vous reconnaissez, vous avez votre super bracelet cœur. Alors, Ophélie, dites-nous, qui sont les deux personnes qui ont gagné et qui devront se porter ce bracelet toute leur vie pour en signe de leur amitié? Nous avons Cola et Louison. Félicitations, c'est magnifique. Je vous rappelle que vous devez le porter tout à ce de votre vie en signe de votre amitié. Eh bien, écoutez, chers amis, cette grande émotion que je conclue cette tombola. Vraiment, c'est super, j'adore faire les tombolas. J'espère qu'il y aura bientôt un autre anniversaire pour lequel faire une nouvelle tombola, parce que vraiment, j'adore ça. Franchement, si José, si tu veux fêter ton anniversaire en octobre et que tu veux faire une tombola, tu nous appelles, tu as notre numéro de téléphone, nous on vient et on fait la tombola. C'est super, c'est magnifique. Écoutez, bonne soirée à tous. Amusez-vous bien. Et je vous embrasse. La tombola. La tombola. Ouh.